La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. L'homme que je vais recevoir dans un instant est mathématicien et spécialiste des systèmes dynamiques. On lui doit notamment des travaux sur la théorie du chaos permettant de mieux comprendre le fameux et célèbre effet papillon. Il s'intéresse également à la diffusion des mathématiques auprès du grand public et aux enjeux d'éducation car ce scientifique aime partager avec les autres. Son nom est Étienne Gis et depuis le 1er janvier, il est aussi devenu secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences. C'est l'occasion de le recevoir dans la tête au carré dans un instant pour comprendre quelle est sa mission exact de secrétaire perpétuel et quels sont ses sujets de recherche dans le domaine des mathématiques. Toutes vos questions à Étienne Gis dès maintenant en nous rejoignant sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Héloïse Rambert, bonjour. Bonjour Mathieu. Aujourd'hui à la Une de la Science, on part sur la Lune. Oui, enfin on part sur la face cachée de la Lune, plus précisément, où pour la première fois, un module d'exploration s'est posé il y a quelques jours. Alors l'événement a fait beaucoup de bruit en ce début d'année et on va en reparler ensemble. Dans un instant donc, Fanny Bouillon réalise cette émission qui a été préparée aujourd'hui par Chantal Le Montagnier. La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard. Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, bonjour. Bonjour Mathieu, bonne année. Étienne Gis, bonne année également à vous. Bienvenue dans l'émission. Secrétaire perpétuel, est-ce que c'est une porte vers l'immortalité ? Hélas non, je vais vous expliquer que je ne suis même pas perpétuel, puisque la perpétuité à l'Académie des sciences est comprise pour 6 ans. Ah ben c'est bon, c'est une perpétuité voilà. Très courte finalement. Très, très raisonnable. Voilà. Voilà. Alors vous allez nous expliquer, c'est l'objet de notre invitation, en quoi consiste cette fonction. Oui. Assez peu connue évidemment, et puis on va parler avec vous bien sûr de mathématiques, pour mieux connaître les sujets de recherche qui vous intéressent. Ils sont nombreux, hein. On va voir avec ça plaisir. Avec vous dans un instant. Et puis vous répondrez bien sûr aux questions des auditeurs qui nous rejoignent sur le site de l'émission. Étienne Gis, à tout de suite. Et à la Une de la Science aujourd'hui, un robot chinois sur la Lune. Ah, on adore cette version, Héloïse. Hein. De quoi s'agit-il ? Mathieu, je suis sûre que vous avez reconnu Fly Me to the Moon, mais version chinoise. Ah, oui. Et c'est une façon comme une autre de rendre hommage à la Chine qui a réussi, le 3 janvier dernier, à poser un module d'exploration qui s'appelle Chang'e 4 sur la face cachée de la Lune au terme de presque un mois de voyage. Et c'est une première mondiale. Et autre première, la communication entre ce robot et la Terre est assurée grâce à un satellite qui sert de relais. Alors pour l'instant, tout marche bien. Chang'e 4 nous a même envoyé des photos de la surface lunaire. Alors pour décrypter l'événement et en expliquer les enjeux, nous accueillons Sylvain Boulet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes planétologue à Géosciences Paris Sud. Tout à fait. Alors, on le rappelle, ce n'est en aucun cas la première fois que les scientifiques réussissent à poser un objet sur la surface de la Lune. Non, c'est pas la première fois, mais c'est quand même jamais commun de poser quelque chose à la surface de la Lune. Alors évidemment, on se rappelle des sondes soviétiques et américaines dans les années 60-70, puisque la dernière sonde soviétique s'est posée en 1976, et finalement, depuis 1976, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc finalement, bah voilà, on a une nouvelle excitation, on a eu Chang'e 3 qui s'est posé en 2013, et puis là, maintenant, Chang'e 4 qui se pose pour commencer tout doucement l'année 2019. D'accord. Alors, pourquoi aller explorer cette face cachée, donc cette face qu'on ne voit jamais ? Elle est si différente que celle que moi, je peux voir dans le ciel tous les jours ? Alors tout simplement parce qu'elle est cachée, en fait c'est un peu un challenge aussi. Effectivement, on ne s'est jamais posé à la surface de cette face, tout simplement parce que c'est compliqué, tout simplement d'un point de vue communication, parce que comme son nom l'indique, elle est cachée et la communication ne peut pas être directe de la Lune à la Terre. Et donc c'est pour ça qu'on a dû installer un petit satellite de l'autre côté pour pouvoir facilement communiquer. Alors il y a évidemment un enjeu politique, hein, puisque la Chine veut montrer qu'ils sont capables de faire des grandes premières, mais il y a aussi quand même même avant tout un enjeu géologique, scientifique, pour pouvoir montrer finalement que cette phase de la Lune est un peu différente de la phase visible. La phase visible, c'est celle que vous voyez toujours dans le ciel, qu'on peut observer avec le petit télescope, et la phase cachée, on ne l'observe jamais, et donc la géologie est différente. Elle porte en elle tout un mystère d'ailleurs, cette phase cachée, parce qu'elle a fait beaucoup fantasmer aussi, Sylvain Boulet. Tout à fait, effectivement, avant 1959, on ne l'avait jamais vue, donc Luna 3, 1959, première fois qu'on voit cette phase cachée, et quand on l'a vue pour la première fois, on s'est rendu compte qu'elle était totalement différente de la phase visible, parce que sur la phase visible, vous pouvez le voir dans le ciel, on a un tiers de la surface qui est recouverte par des mers lunaires, des taches sombres, alors que sur la phase cachée, on n'a pas ces mers lunaires. Et ce petit robot s'est posé justement dans un énorme bassin d'impact qui fait 2500 km de diamètre, le cratère Aitken. Et ce bassin, sur la phase visible, normalement, il est rempli par de la lave. Et sur la face cachée, il n'est pas rempli par de la lave. Alors, on aimerait bien comprendre pourquoi sur la face cachée, il n'y a pas de mer lunaire. D'accord, donc un des objectifs principaux, c'est d'en savoir plus vraiment sur la géologie de cette face cachée. Oui, tout à fait. On a, depuis 50 ans, finalement écrit une histoire géologique de la Lune et de la Terre, parce que, je vous le rappelle, la Lune et la Terre sont reliées. On pense que la Lune est directement issue d'une collision entre la protoplanète Terre et un petit corps qui existait il y a 4,5 milliards d'années. Et effectivement, cette histoire, si on la voit de l'autre côté, elle pourrait peut-être changer un tout petit peu, parce qu'on va avoir de nouvelles mesures, et on va essayer de voir justement tester toutes ces hypothèses qui existent depuis 50 ans. Et alors, il y a toujours ce fantasme d'aller passer un peu de temps sur la Lune, voire d'y habiter. Est-ce que Chang'e 4 va nous apprendre d'autres choses, de choses concrètes sur une possible vie sur la Lune ? Finalement, ce retour à la Lune, c'est un peu peut-être la préparation d'un retour vrai sur la Lune de toutes les nations. L'Agence spatiale européenne a parlé du village lunaire. Les Chinois veulent retourner aussi, marcher à la surface de la Lune. D'ici 2020, normalement, il va y avoir un retour d'échantillons lunaires. Et donc, il y a une notion de renouveau et finalement de l'exploration. On espère pouvoir et peut-être installer une base permanente. Et effectivement, parmi les instruments, on a notamment une petite, un petit site cylindre qui contient notamment des graines de patates et des graines de plantes. Ah bon pour voir, voilà. Pourquoi faire? Pour voir si des on est capable. Des patates sur la Lune. Exactement, des patates sur la Lune. Alors évidemment, il n'y a pas de jardinier pour planter dans le sol lunaire, mais par contre, il y a dans ce petit cylindre, c'est un écosystème fermé et à distance, il y a une caméra, on devrait pouvoir voir ces graines de patates et de plantes éventuellement poussées en direct. Bientôt des frites lunaires. Exactement. Et il y a aussi l'enjeu de l'eau, non? On veut savoir s'il y a de l'eau. En fait, tout simplement, on veut savoir ce qu'on est capable de retirer du sol lunaire. Si on va s'y installer, on aimerait bien savoir s'il y a des ressources, s'il y a de l'eau, parce que évidemment tout ça serait des choses qu'on n'emmènerait pas à la surface de la Lune. Donc ce petit robot, évidemment, il va essayer de gratouiller, sentir, voir s'il y a de l'eau qu'on pourrait éventuellement extraire dans le futur. Et c'est vrai qu'on parle aussi d'aller sur Mars. Est-ce qu'on fait bien de s'intéresser à quelque chose de beaucoup plus près de nous, qui est la Lune? Est-ce que c'est une sorte d'étape vers les colonies martiennes? Évidemment, on parle beaucoup de retourner sur Mars et d'y aller s'installer. C'est loin Mars, donc pour aller faire des tests, pour apprendre à vivre sur une planète, finalement, on a notre voisine. Et ça serait évidemment beaucoup plus simple pour aller faire des tests, pour éventuellement apprendre à construire des habitats souterrains, etc. Donc, il y a beaucoup de choses à faire sur la Lune. C'est le début de notre exploration. Etienne Gis, est-ce qu'il y a de la dynamique, justement, entre la Lune et la Terre qui peut intéresser le mathématicien ? Bien sûr, il y a une chose qui n'a pas été expliquée, c'est pourquoi la Lune présente toujours la même face ? Pouvez-vous nous l'expliquer ? Oh, allez-y, moi je veux bien. Il se trouve que la Lune n'est pas parfaitement sphérique, donc elle a un côté un peu comme un ballon de rugby, et donc présente vers la Terre une pointe qui l'attire un peu plus que le reste, ce qui fait que la Lune présente toujours la même face à la Terre. Voilà, complément d'information. Et est-ce qu'on peut dire qu'il y a un vrai regain d'intérêt pour la Lune? Alors, ça va faire 50 ans que l'homme a marché sur la Lune. Est-ce qu'il y a un regain d'intérêt? Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour le futur? Le futur, c'est essayer de réfléchir, finalement, que toutes les nations essayent d'envisager un plan pour éventuellement construire cette base permanente sur ou autour de la Lune, et tout simplement s'y intéresser de nouveau. Je vous rappelle qu'il y a 50 ans, en 1969, il y avait 600 millions de personnes qui suivaient l'alunissage, et donc évidemment, pour 2019, il faut fêter ça dignement. Donc évidemment, tout un groupe de scientifiques s'est réuni pour inviter tous les possesseurs de télescopes dans le monde entier pour sortir son télescope télescope dans la rue les nuits du 12 et 13 juillet pour tout simplement toucher le maximum de personnes dans la rue. Et d'ailleurs, on peut s'inscrire dès maintenant. Tout à fait. En fait, il y a un site internet www.onthemoonagain.org et vous pouvez vous inscrire et on espère être évidemment des dizaines de milliers à sortir l'instrument et à fêter finalement cette fête de la Lune. Bon, eh ben on y sera en tout cas pour cet été lunaire et le grand comeback justement de notre satellite. Merci beaucoup à vous Sylvain Boulet. Merci. Et puis Héloïse, on se retrouve demain avec une nouvelle Une de la Science. À demain. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, le risque de fausse couche ne serait pas qu'une affaire de femme, puisque selon une recherche menée par des scientifiques de l'Imperial College de Londres, la qualité du sperme pourrait aussi être en cause. Les scientifiques ont examiné le sperme de 50 hommes dont les partenaires avaient subi 3 fausses couches consécutives ou plus, et l'ont comparé à celui de 60 hommes dont les partenaires n'avaient jamais rencontré ce problème. L'analyse a révélé que l'ADN de leur sperme présentait donc 2 fois plus de dommages que celui du groupe témoin. La forêt amazonienne plus menacée que jamais, la dernière révision du code forestier brésilien élargit l'autorisation de déforestation en Amazonie au profit des propriétaires terriens privés. Des chercheurs brésiliens et suédois s'alarment dans un article publié dans la revue Nature. En modélisant les effets de la mise en œuvre stricte de la loi, ils ont démontré que jusqu'à 15 millions d'hectares de forêt pourraient être abattus légalement. Un scénario catastrophe qui annulerait les efforts de régularisation des réserves légales dans un Brésil où le nouveau président Bolsonaro n'a de cesse de manifester un mépris pour les questions environnementales. Et puis une équipe internationale de chercheurs a démontré pour la première fois qu'en corrigeant un problème dans la photosynthèse des plantes, les rendements des cultures pourraient être fortement augmentés. Dans certaines de nos cultures les plus utiles, comme celle du riz ou du blé, les voies enzymatiques de la photosynthèse produisent des sous-produits toxiques qui réduisent l'efficacité. Et dans leurs travaux, publiés dans Science, les chercheurs ont créé une voie métabolique différente dans des plantes tabac transgéniques et ils ont obtenu des résultats qui étaient environ 40% plus productifs que les plants de tabac de type sauvage. Allez, Étienne Gis, mathématicien et secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, notre invité dans un instant. I'm not inspired. It's not right, I don't know what I'm gonna do with my life. It's not fair, it's not right, I wasn't born to just endure all this strife. Trying to make my way in this cold, cold world. It can be such a cold. Capitaliste Blues, c'était la voix de Leila Makkala à l'instant. La tête au carré, Mathieu Vidard. Étienne Gis, vous êtes l'invité cet après-midi de l'émission pour évoquer eh bien ce poste de secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, puisque votre élection est faite et vous êtes en poste justement depuis le 1er janvier, un poste qui reste assez peu connu du grand public, c'est la raison pour laquelle donc on a envie d'en savoir plus. Et puis également, vous qui êtes mathématicien, évoquez votre spécialité autour des systèmes dynamiques. Vous qui êtes directeur de recherche CNRS à l'École Normale Supérieure de Lyon, il y a déjà des questions d'auditeurs qui arrivent pour vous, de parents qui s'intéressent du parcours de leurs enfants en terminale S par exemple. Je vais vous soumettre cette question tout à l'heure. Et puis bien sûr d'autres questions sur le site de l'émission franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Étienne Gis, ce poste donc de secrétaire perpétuel, il existe depuis plus de 350 ans maintenant. Hein. Oui, il faut commencer par expliquer ce qu'est l'Académie des sciences. Ouais. C'est une très très ancienne structure qui date de 1666. Deux ou trois ans, si je me souviens bien, après la fondation de la Royal Society en Angleterre. Et depuis cette époque, l'Académie des sciences joue un rôle très important. Oui, ça sert à quoi l'Académie des sciences, ouais. Alors l'Académie des sciences, à quoi ça sert? Alors, ouais. J'ai pris mes petites antisèches, ouais. Parce qu'il y a quelques années, l'Académie des sciences a rédigé une espèce d'explication de son rôle. Ouais. Alors en fait, on a cinq rôles principaux. Alors, je vais vous les dire rapidement. Il faut encourager la vie scientifique. Ouais. Par exemple, en organisant des colloques, en donnant des prix. Par exemple, vous avez eu un prix, Mathieu, il n'y a pas très longtemps, n'est-ce pas? Absolument, hein, oui. Promouvoir l'enseignement des sciences, c'est une chose très, très importante. Vous parlez de Terminal S, le rôle de l'enseignement des sciences est très important. Transmettre des connaissances à un public général, un sujet qui m'intéresse au plus haut point. La diffusion, entre favoriser autres. Des collaborations scientifiques au niveau international et assurer un rôle d'expertise et de conseil auprès du gouvernement ou des ministères, par exemple. Pourquoi on connaît si peu, finalement, cette institution qui est là depuis des siècles et pourtant qui semble fermée au grand public? Pourquoi il y a ce malentendu, finalement, là? Ce qui est très intéressant, c'est que cette académie a joué un rôle vraiment fondamental pendant au moins deux siècles. Et puis, il faut bien voir que aujourd'hui la science a considérablement explosé. Il est évident que à l'Académie des sciences, il y a 270 académiciens. Mmh. Et je n'arriverai même pas à compter le nombre de scientifiques français. Donc, il est clair que le rôle de l'Académie des sciences aujourd'hui est inférieur à ce qu'il était il y a 150 ans ou 200 ans. Mais j'entends bien essayer de renouveler ce rôle important. Ouais. Alors justement, votre rôle de secrétaire perpétuel, vous le disiez tout à l'heure, en fait, le terme est un peu usurpé. Hein, oui, alors d'abord, c'est 6 ans de mandat. Hein. Voilà, c'est un titre un peu bizarre, puisque dans l'ancien temps, c'était une position qui était donnée à perpétuité. Et d'ailleurs, par exemple, la secrétaire perpétuelle de l'Académie française est nommée à perpétuité. Oui. Hein. Mais dans le cadre de l'Académie des sciences, les statuts ont été très sages et ont décidé qu'on ne serait perpétuel que pour au plus 6 ans. C'est ça. Plus peut-être un petit rabiot de 2 ans après, oui. Mais pas plus que 8 ans. C'était dans une optique de rajeunissement aussi, oui, très claire de l'Académie des sciences. Il y a aussi quand même, une deuxième condition nécessaire, il faut avoir moins de 75 ans. Oui, mais c'est ça, oui. Voilà, tout à fait. Effectivement, à fait. Alors vous êtes en première division, vous, voilà. Etienne Gis, c'est alors, ça? L'Académie des sciences... Parce qu'il y a deux secrétaires perpétuels. Voilà, il y a deux secrétaires perpétuels. L'un pour ce qu'on appelle la première division, la mienne, et l'autre, c'est Pascal Costard, qui est secrétaire perpétuel pour la deuxième division. Ouais. Bon, la mienne, c'est en gros les maths, physique, sciences de la Terre, sciences mécaniques, et Pascal Costard s'occupe plus de ce qui concerne la chimie et la biologie. Puis je dois ajouter aussi que nous ne sommes pas seulement deux, puisqu'il y a aussi un président, un vice-président. Le président, c'est Pierre Corvol, qui est un médecin, biologiste. Et le vice-président, lui aussi, il vient juste d'être nommé le 1er janvier. C'est Patrick Flandrin, qui est un physicien. Donc en fait, c'est ce groupe de quatre personnes que nous appelons le bureau. Nous sommes, pas les chefs, mais nous sommes un peu les animateurs. C'est ça. Les animateurs de la vie scientifique de l'Académie des sciences. Tout ça dans un cadre très solennel, hein, comme, qu'est l'Académie des sciences, justement. La preuve, d'ailleurs, c'est que vous allez faire votre discours dans un comité secret, hein, c'est ça? Voilà. Il y a beaucoup de terminologies un peu anciennes dans l'Académie, dont celui de comité secret. Alors, comité secret, c'est simplement la réunion de tous les académiciens, qui se réunissent dans cette magnifique salle qu'on appelle la grande salle des séances, dans laquelle il y a eu un grand nombre de débats historiques assez passionnants. Pasteur, par exemple, Pasteur, hein, c'est un des grands débats de l'Académie. D'autres. Et donc, lorsqu'il y a comité secret, on ferme les portes et on discute entre nous. Oui. Mais ça, c'est plus du tout à la mode de pratiquer ce genre de choses, non? Vous n'avez pas envie d'ouvrir un peu les portes, justement? Bien sûr que si, bien sûr que si. Donc, mais attention, les réunions de l'Académie ne sont pas toutes des comités secrets. Hein. Il y a de temps en temps un comité secret. Alors, quel est votre plan de route pour vous en tant que secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences? Qu'est-ce que vous avez envie d'y faire, justement, en apportant votre énergie, Étienne Gys? Alors moi, chaque secrétaire perpétuel vient avec un petit peu ses marottes, enfin, ce qu'il aime bien, ce qui l'intéresse plus. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est essentiellement l'enseignement des sciences et la diffusion de la science auprès du grand public. C'est ça mes deux directions les plus importantes dans lesquelles j'ai envie de travailler. Donc, pour aller dans votre sens, je vais faire le maximum pour ouvrir le plus possible la grande salle des séances, le nouvel auditorium. Un magnifique auditorium va être inauguré dans le palais de l'Institut. Donc oui, moi j'ai envie d'ouvrir les portes très grand et de parler de science le plus possible au public le plus large possible. Ça a été aussi un lieu de controverse ou de critique, l'Académie des sciences, très récemment sur la question du climat, par exemple, dont les positions de certains académiciens, donc Claude Allègre, par exemple, ou Vincent Courtillot, ont beaucoup choqué ou agacé, en tous les cas. Bien sûr. C'est un lieu de débat. Il est clair que chaque académicien a sa liberté de parole. Il est clair également que l'Académie ne peut pas se prononcer uniquement à l'unanimité. Et donc, parfois, il faut entendre qu'une majorité immense d'académiciens pense une chose et une minorité microscopique pense autre chose. Et on peut espérer que les journalistes n'écoutent pas que la minorité microscopique. Alors, les mathématiques, justement, vous avez beaucoup travaillé sur la diffusion de votre discipline. Pourquoi ça vous paraît, justement, très, très important d'essayer d'inscrire au maximum les mathématiques dans l'éducation, dans les pratiques du grand public? En tous les cas, les mathématiques sont parmi les sciences. On pourrait discuter de savoir si les mathématiques sont une science ou pas une science. Mais ah bon, ça se discute, ça vraiment? Oui, ça se discute, puisque d'une certaine manière, les mathématiques ne sont pas un sujet expérimental. Hein. J'ai pas d'éprouvettes, j'ai pas d'instruments. Je travaille sur une feuille de papier avec un crayon. Donc, les objets que je manipule, les êtres mathématiques, comme nous aimons dire, sont totalement abstraits et virtuels. Donc, beaucoup de personnes pensent qu'on ne doit pas classer les mathématiques comme une science. Moi, j'ai plutôt tendance à les voir comme une science. Vous savez, Galilée disait que les mathématiques sont la langue dans laquelle est écrite la nature. Ouais. Hein. Et moi, j'aime beaucoup penser aux mathématiques comme une espèce de grammaire. Hein. La grammaire qui permet aux êtres humains de comprendre ce qui se passe autour d'eux. Le problème, c'est de comprendre cette grammaire, justement. Voilà. Quand on n'est pas mathématicien, c'est un peu la même chose qu'en français. Hein. Si on n'apprend pas la grammaire, on a du mal à bien maîtriser le français. Et moi, je me souviens d'une fois, dans un livre de maths de mes enfants, il y avait, en introduction d'un chapitre, une interview d'un très grand mathématicien qui, malheureusement, est décédé maintenant, Jean-Christophe Jokoz. Et ce mathématicien disait, pour les enfants, il disait, écoutez, c'est un peu comme Rimbaud. Rimbaud a fait ses poèmes magnifiques, mais il a dû commencer par la grammaire. Oui. Eh bien, vous, c'est pareil. Il va falloir que vous commenciez par la grammaire de la nature, et la grammaire de la nature, c'est les mathématiques. Ouais. Que certains présentent comme la reine des sciences, quand même, parce qu'il y a ceux qui considèrent que ça n'est pas une science, et d'autres, au contraire, qu'elle est là. Ça, c'est ce qu'on disait avant. Hein, la reine des sciences, c'est ce qu'on disait dans l'ancien temps. Vous savez, c'était la pyramide d'Auguste Comte, où on mettait les mathématiques tout en haut. La hiérarchie des disciplines, ouais. Mais tout ça est terminé. Je pense que les mathématiques sont parmi les autres sciences, comme les autres sciences. Et je crois qu'il faut arrêter cette arrogance de certains de mes confrères du passé, heureusement. Étienne Gys, dans les portraits qu'on peut lire de vous, vous avez confié que les mathématiques étaient un refuge, justement, lorsque vous étiez enfant. Oui. De quelle façon, lorsqu'on est petit, justement, on est embarqué tout d'un coup par cette discipline, alors? Mais c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que mon rapport personnel avec les mathématiques a beaucoup évolué au cours de ma vie, et c'est tout à fait normal. Et quand j'étais petit, cette façon de faire des mathématiques en individuel, seul, en étudiant des livres à la bibliothèque municipale ou des choses comme ça, sans vraiment partager avec quiconque, ni avec les professeurs, ni avec mes copains. C'était en effet une manière de peut-être de cacher ma timidité personnelle, enfin d'avoir mon petit monde à moi, d'être tranquille dans mon coin. J'étais un petit garçon qui embêtait pas les autres, mais qui avait sa vie personnelle. Mais vous faisiez des maths partout? Je faisais des maths partout, mais quand je dis des maths, c'était même, je devrais dire, de la science, puisqu'à l'époque, je faisais pas de différence entre maths et physique, et d'ailleurs, aujourd'hui, je suis pas non plus sûr d'en faire beaucoup. Donc voilà, au début, c'était un moyen de m'isoler. Et puis peu à peu, en grandissant, en mûrissant, en vieillissant, comme vous préférez, j'ai compris progressivement que faire des maths avec des collègues, c'est magnifique. Puis j'ai compris qu'avoir des étudiants, c'est le plus grand bonheur qu'on puisse avoir. Et puis j'ai compris que en essayant de partager avec un public encore plus grand, plus vaste, c'est encore plus merveilleux. Donc c'est un sport d'équipe aussi finalement. Ah, c'est un sport d'équipe. Mmh. Vous savez, je parraine une collection de bouquins sur les maths qui est très bien, qui est tout à fait intéressante, mais il y a une petite chose qui ne me plaît pas dans cette collection, c'est que elle laisse entendre que les mathématiques sont des individus. Hein, il y a Gauss, il y a Riemann, il y a Poincaré. Et c'est quelque chose qui ne correspond pas à ma façon de penser. Moi, je pense vraiment aux mathématiques comme une activité collective, une espèce de compréhension collective du monde. En tout cas, il y a quand même l'étincelle des génies des mathématiques. Poincaré, vous en parliez à l'instant, Henri Poincaré. On va écouter justement une évocation de ce mathématicien par Gaston Bachelard, le philosophe des sciences. Et c'était en 1950, et il évoque justement l'illumination dans le génie de Poincaré. Henri Poincaré a marqué son temps d'une marque ineffaçable. Dès 1879, il pouvait dire à un ami « Je sais maintenant intégrer toutes les équations différentielles. » Tout licencié de mathématiques a l'habitude d'intégrer des équations différentielles de type bien défini, et seulement de type bien défini. Ce que Poincaré cherchait, c'était les conditions d'une intégration vraiment générale. C'est à l'occasion de cette découverte que les psychologues citent toujours l'anecdote de l'illumination de l'esprit du maître après tant d'heures de méditation infructueuse. On veut y voir un argument pour le travail inconscient du génie. On dépeindrait mieux la situation du génie en répétant un mot célèbre de Newton, auquel on demandait comment il avait trouvé la gravitation. « En y pensant toujours, » répondit Newton. On peut bien dire que l'intense et continuelle méditation de Poincaré était du même type de super-conscience. Étienne Gys, il y a beaucoup de choses dans ces propos-là, quand même. C'est magnifique. J'adore. Alors, il y a juste un petit détail. Il cite Poincaré qui dit « Je peux intégrer toutes les équations différentielles. » C'est pas tout à fait vrai. C'est toutes les équations différentielles linéaires. Alors, ça, c'est un petit détail, mais... Oui, pour vous, oui, parce que nous, on n'a pas la grammaire, vous voyez, par exemple, voilà. Précisément. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que par la suite, et peut-être qu'on peut en parler après, par la suite, le même Poincaré a compris qu'on ne pouvait pas intégrer toutes les équations et qu'il fallait proposer d'autres méthodes plus qualitative, on en parlera dans quelques instants probablement. Absolument, on se retrouve dans un instant et déjà des messages pour vous sur le site de l'émission. Très bien. Étienne Gys, vous êtes l'invité de La Tête au Carré. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. Pourquoi es-tu parti avant que je te l'apprenne? Le savais-tu déjà? Avais-tu deviné que des dieux se cachaient sous les faces avinées? Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. As-tu senti parfois que rien ne finissait et qu'on soit là ou pas, quand même on y serait? Et toi qui n'es plus là, c'est comme si tu plus immortel que moi, mais je te suis de près. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, nous sommes immortels. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. Voilà un titre inédit d'Alain Bashung, c'était Immortel à l'instant. La tête au carré sur France Inter. Et nous avons notre secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, Étienne Gis, donc avec nous cet après-midi, et les messages des auditeurs qui nous rejoignent pour parler entre autres de système dynamique. On va parler de l'effet papillon et bien sûr du chaos avec vous. Alors il y a justement Anne-Marie qui nous dit ceci: mon fils est en terminale S, il adore les maths, matière dans laquelle il excelle, il voudrait s'orienter. Par contre, il n'aime pas la programmation en informatique. Or, en regardant les formations, il s'est rendu compte que maths et informatique étaient aujourd'hui très liés. Il ne sait plus vers quoi s'orienter. Auriez-vous des suggestions, Étienne Gis? Alors, moi, ce que j'ai envie de suggérer, c'est à ce jeune homme, c'est d'étudier l'informatique comme une science autonome et passionnante. Bah, apparemment, ça ne passionne pas beaucoup. Hein. Et oui, mais aujourd'hui, en 2019, on ne peut plus envisager d'être scientifique, en général, sans avoir une maîtrise un peu sérieuse de l'informatique. Je ne lui recommanderais peut-être pas de devenir informaticien, mais s'il est en terminale S, il est vital pour un scientifique de maîtriser l'informatique. Donc l'informatique faire les deux en parallèle. Oui, l'informatique est une science sœur des mathématiques, mais ce n'est pas des mathématiques. Il y a des choses très proches. Un programme, vérifier qu'un programme fonctionne, être sûr que le programme va faire ce que vous voulez qu'il fasse, c'est très proche de démontrer un théorème. Hein. C'est presque comme démontrer un théorème. Quand vous démontrez un théorème, vous avez des hypothèses et vous devez vous assurer que ces hypothèses conduisent à vos conclusions. Eh bien, pour un programme, c'est la même chose. Vous écrivez des lignes de code et vous voulez être sûr que ça fait ce que vous voulez. Donc, je dirais à ce jeune élève de terminale qu'il n'est pas bon de négliger l'informatique. Et c'est Étienne Gis qui vous le dit. Alors voilà, c'est Anne-Marie qui va lui transmettre sa maman qui nous écoute cet après-midi. Très souvent, mes étudiants, mes doctorants ont un peu une réticence à faire de l'informatique. Mais pourquoi ? Et parce que ils ont un peu tendance à penser que le mathématicien est plus enclin à des idées. Et que l'informatique est souvent conçue par les mathématiciens comme quelque chose d'un peu aride. On écrit des lignes de code, mais c'est une erreur. Et pouvez me faire confiance que j'insiste pour que mes étudiants maîtrisent l'informatique. Est-ce que les professeurs ont eu un rôle essentiel justement dans votre parcours, Étienne Gis ? Absolument important, oui. Alors, c'est toujours la même chose quand on suit un rythme scolaire depuis l'école maternelle jusque les classes préparatoires. On n'a pas que des professeurs qui vont vous motiver, mais il suffit d'en avoir quelques-uns. Et dans mon cas, allez, il y en a trois qui m'ont marqué profondément. Ouais, c'est beaucoup finalement, parce que parfois un professeur suffit aussi pour vous marquer à vie. Mon professeur de CM2, mon professeur de 4e et mon professeur de maths P sont trois professeurs qui ont été fondamentaux pour ma formation. Ah, donc c'est bien, parce que ça s'est étalé aussi sur l'ensemble du cursus. C'est intéressant. Alors, pour parler de l'effet papillon, parce que alors, c'est amusant d'ailleurs, comme les gens réagissent beaucoup à ce terme qui a été assez popularisé dans les années 2000, à ce moment-là. Patrice nous dit, au-delà des constantes naturelles, comme par exemple les saisons et les reliefs qui déterminent les grandes orientations des écosystèmes, est-ce qu'on ne peut pas penser qu'il existe des milliards d'effets papillons qui interagissent et modifient constamment le vaste écosystème de notre planète ? Alors, d'abord, il faut peut-être donner une définition de l'effet papillon pour bien comprendre de quoi on parle. Oui, mais je crois que la question est excellente, puisque au lieu de parler de l'effet papillon au singulier, il nous parle de l'effet papillon, des milliards de papillons. Et c'est effectivement le point important, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul papillon sur la Terre. Il y a des milliards de papillons, peut-être des milliards de papillons sûrement. Sans doute. Et que ces milliards de papillons, tous ensemble, agissent collectivement pour modifier un phénomène. De la même manière que dans cette pièce, il y a des milliards de molécules. Mmh. Chacune d'entre elles est chaotique, chacune d'entre elles est un petit papillon. Mais il n'empêche que tout ensemble, elles jouent un rôle collectif qui régule la situation. Ouais. Pourquoi il y a eu émergence de ce concept finalement dans les années 2000 alors ? Alors, l'histoire est tout à fait intéressante. Elle vient d'un météorologiste, mathématicien, physicien, Edward Lorenz, dans les années 60, qui essayait de modéliser, pour simplifier, la météorologie. À l'époque, il avait un ordinateur très, très rudimentaire. Et donc, il a pris les équations du mouvement des fluides, il les a simplifiées, tellement simplifiées que c'est devenu caricatural. Mais il le faisait de manière consciente. Et il a pris sa petite équation caricaturale et il l'a fait tourner sur son ordinateur. Et là, il a constaté un phénomène que, en changeant un tout petit peu la condition initiale, comme on dit, eh bien, quelques secondes plus tard, le phénomène était complètement différent. Alors, il était très content, il devait faire une conférence quelque part aux États-Unis et l'organisateur voulait un titre pour sa conférence, il ne l'envoyait pas. Et c'est l'organisateur qui a choisi le titre à la place de Lorenz. Et il a choisi comme titre « Un papillon, les battements des ailes d'un papillon au Brésil peut-il provoquer un ouragan au Texas ?» Et c'est devenu un truc hyper célèbre. Hein. C'est hyper célèbre. Ouais. Et c'est hyper célèbre, mais ce qui est tout intéressant, c'est que la citation officielle, c'est « Un battement d'ailes au Brésil, une conséquence au Texas. » Et cette citation a été déformée de millions de manières différentes. C'est pas toujours le Brésil, c'est pas toujours le Texas, mais c'est toujours un pays en développement qui crée des problèmes dans les pays développés. Donc c'est très intéressant de voir que cette idée a germé, comme vous dites, dans les années 2000, c'est devenu un peu un thème général. Beaucoup de gens en ont tiré des conséquences philosophiques, du genre « moi, je suis tout petit papillon parmi les milliards d'autres êtres humains sur la Terre. » Et avec mon petit battement d'aile, je peux modifier le cours des choses. Voilà. Alors, évidemment, je peux modifier, mais mon copain aussi peut modifier. Ouais. Alors, pour répondre du coup à la question de Patrice, ces milliards d'effets papillons qui interagissent et modifient constamment l'écosystème de notre planète, c'est un exemple parmi tant d'autres d'ailleurs, parce que des effets papillons, il y en a des quantités invraisemblables dans plein de domaines différents. Bien sûr. Alors, avant d'essayer de répondre un peu à cette question, je voudrais justement saisir l'occasion de dire, on va citer Poincaré. Oui. Hein, cette phrase que j'aime beaucoup de Poincaré, il dit « Faire des mathématiques, c'est donner le même nom à des choses différentes. » J'adore cette citation, je la répète tout le temps. En fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une idée mathématique peut être utilisable dans des situations extrêmement variées. Si vous prenez l'exemple du battement d'ailes du papillon, c'est pas uniquement sur l'atmosphère, sur la météorologie, mais c'est une idée qui peut avoir des conséquences dans des tas de domaines variés, comme celui que vous citez. Citez-nous d'autres exemples, Étienne Gis, justement, où peut s'illustrer cet effet. Un exemple très simple, les nombres, 3, 4, 5, 6. Vous avez appris à l'école que 3 fois 4, ça fait 12. Vous avez appris ça à l'école primaire. Et vous vous devez vous rendre compte que cette 3 x 4, 12, vous l'utilisez dans votre vie, dans des centaines, milliers de situations différentes. Mmh. Le chiffre, le nombre 3 ou 4, est un concept mathématique abstrait qui s'incarne partout. Partout. Et c'est un bon exemple de ce qu'est un concept mathématique. C'est quelque chose qui peut s'incarner dans de nombreuses situations différentes. Ouais. Il y a aussi cette idée d'élégance et de simplicité aussi, quand même, dans ce que vous nous décrivez. Tout à fait. Ou quand vous citez Poincaré, essayer de trouver la substantifique moelle d'un phénomène, trouver ce que le grand mathématicien Thurston disait, la clarté et la compréhension. Ouais. Et essayer de trouver dans un phénomène ce qui en explique le germe. Mmh. Et ça, c'est les belles équations aussi. C'est les belles équations. Simples, voilà. Mais qui expliquent tout. Mais utile. Finalement, ça, quand on arrive à ça, on a atteint une sorte de perfection. Mais on peut revenir sur la question de cet auditeur, puisqu'elle est intéressante. Un papillon peut modifier, c'est sûr. Mais quand il y a des milliards de papillons, tous ensemble, eh bien, une espèce d'ordre collectif va se créer. Ça, c'est ce qu'on appelle la physique statistique. C'est-à-dire que vous avez un nombre gigantesque d'éléments qui interagissent. Chacun est un petit papillon dans son coin. Mais tous ensemble, ils créent quelque chose de structuré, d'ordonné et de cohérent. Ouais, ça paraît complètement contre-intuitif, finalement. Puisqu'il semblerait qu'en ajoutant justement des papillons, on sème le vrai chaos, là, pour le coup. On sème le chaos, mais on sème le chaos aléatoire. Et toute la théorie du chaos devient intéressante précisément parce qu'elle va mêler ces petits papillons qui peuvent être perturbateurs avec le côté cohérent d'une cohorte gigantesque de petits papillons. Eh bien, nous revenons vers nos papillons et vers le chaos avec vous dans un instant, Étienne Gis. Jamais dans les pièges, il se laisse pas étourdir par les néons des manèges. Il vit sa vie sans s'occuper des grimaces que font autour de lui les poissons dans la nasse. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Il travaille un petit peu quand son corps est d'accord. Pour lui, faut pas s'en faire, il sait doser son effort. Dans le panier de crabe, il joue pas les homards. Il cherche pas à tout prix à faire des bulles dans la mare. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Garde autour de lui avec les yeux de l'amour. Avant que t'aies rien pu dire, il t'aime déjà au départ. Il fait pas de bruit, il joue pas du tambour. Mais la statue de marbre lui sourit dans la cour. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Par-delà les labos, chevaucher les licornes à la tombée du soir. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Comme il n'a pas d'argent pour faire le grand voyageur, il va parler souvent aux habitants de son cœur. Qu'est-ce qu'il se raconte? C'est ça qu'il faudrait savoir. Pour avoir comme lui autant d'amour dans le regard. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Souvenez-vous, en 1981, Hervé Christiani. La tête au carré. Les scientifiques sont lucides sur leur capacité à prévoir le temps. Un orage mesure 30 km, on ne le prévoit que quelques heures avant. Une tempête fait 1000 km, ce sera quelques jours avant, une vague de froid, une semaine. Mais l'atmosphère est turbulente par nature et ne se met pas complètement en équation. Il faut compter avec l'effet papillon découvert par l'Américain Edward Lorenz. Un battement d'ailes de papillon en Amérique peut provoquer une tempête au Japon. Pourquoi ? Parce que l'atmosphère ondule et du coup les phénomènes se propagent en s'amplifiant. Oui, on a une autre version là, avec le Japon. Voilà. C'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure. Est-ce que je peux faire un petit commentaire ? Oui, bien sûr. C'est très intéressant de voir que ce qui vient d'être dit est tout à fait vrai. Et c'est souvent comme ça qu'est présenté l'effet papillon. On ne peut pas prévoir les ouragans à moins d'une semaine à l'avance. Plus d'une semaine à l'avance. C'est vrai. Mais est-ce qu'un scientifique peut se contenter d'une conséquence négative ? On ne peut pas prévoir. Mais non, c'est pas ça. À un moment, on dit on peut pas prévoir, donc il faut pouvoir en dire quelque chose quand même. Et le contenu de la théorie du chaos va bien au-delà de cet aspect négatif. Il propose quelque chose de positif. Je ne peux pas prévoir quand il y aura un ouragan, mais je peux prévoir des statistiques. Je peux dire, en moyenne, dans l'année, il y en aura tant. Mmh. Et ça, le physicien, le mathématicien peut contribuer à avoir une prévision assez précise. C'est-à-dire s'en approcher, essayer de s'en approcher en tout cas. Au lieu d'avoir une prévision des événements ponctuels, il va avoir une prévision précise de statistiques. Et ça, c'est souvent tout aussi utile. L'agriculteur, lui, il s'en fiche de savoir s'il va pleuvoir le 14 juillet ou le 18 juillet. Mais si on arrive à lui dire combien de jours de pluie il y aura pendant l'été, eh bien, il sera quand même assez content. Oui. Et cette capacité à produire non pas des prévisions ponctuelle, mais des prévisions statistiques, fait partie du côté positif de la théorie du chaos. C'est ce qu'on appelle la théorie ergodique, pour employer un mot compliqué. Donc on cherche la face positive des choses. Toujours, sinon à quoi ça sert de faire de la science ? Donc il y a une vraie philosophie aussi, finalement, dans la conception des mathématiques. Non, la théorie du chaos, je voudrais insister là-dessus, la théorie du chaos n'est pas une théorie négative. Elle ne consiste pas à dire « on ne peut pas ». Elle dit « on peut ». Mais autre chose que ce qu'on pensait initialement. Alors, les systèmes dynamiques, les systèmes complexes aussi, quand on parle d'interaction entre des milliers de papillons qui battent des ailes, par exemple, là, ça donne des combinaisons absolument infinies. Quel est le lien finalement entre tout ça, entre le système dynamique, les systèmes complexes, la théorie du chaos que vous étudiez ? Eh bien, un système complexe est un système qui met en jeu un nombre gigantesque d'agents qui interagissent d'une manière simple. Vous pouvez penser à des tas de choses comme, par exemple, votre cerveau, où vous avez tous vos neurones qui sont en train de communiquer les uns entre les autres, où vous avez, et encore une fois, les molécules dans cette pièce qui sont en train de se taper les uns contre les autres. Et donc le rôle du scientifique dans ce cas consiste à faire le lien entre l'aspect collectif global et l'aspect complètement individuel d'une trajectoire individuelle. Ouais. Mais quand on est spécialiste comme vous des systèmes dynamiques, par exemple, Etienne Gis, on cherche quoi alors concrètement ? Est-ce qu'on a des objectifs particuliers ? Ça dépend du spécialiste en question. Moi, je suis plus un mathématicien, vous l'avez compris. Donc moi, ce que je cherche, encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, ce que je cherche, c'est à comprendre des propriétés que je pourrais exporter dans de nombreuses applications possibles. Donc, je ne suis pas un mathématicien appliqué, ce n'est pas ça qui me gouverne de manière principale. Vous savez, il y a une espèce de jeu de ping-pong un peu entre le mathématicien et le physicien. Le physicien a un problème, il pose une question au mathématicien, le mathématicien y réfléchit, la plupart du temps il est incapable d'y répondre, parfois il peut répondre partiellement, et quand tout va bien, il y répond positivement, mais sa réponse répond en fait à des tas d'autres questions que le physicien ne s'était pas posées. Et ces nouvelles questions que le physicien se pose, il pose des questions aux mathématiciens et ping-pong, il y a une espèce d'interaction permanente depuis des siècles entre les mathématiques et la physique. Vous savez, le grand mathématicien russe Arnold disait une chose qui ne plaît pas beaucoup aux Français, il disait « les mathématiques ne sont qu'un chapitre de la physique ». Oui. Je ne suis pas loin de croire qu'il avait raison. Pourtant, il y a une grande école française. C'est pour ça que ça ne plaît pas à notre pays en particulier. Et pourquoi d'ailleurs on se distingue aussi bien dans les mathématiques à travers le monde ? Pourquoi il y a cet esprit français des maths ? Moi, je pense qu'il y a une explication historique. Peut-être que l'Académie des sciences y est pour quelque chose d'ailleurs, puisque depuis le début du 19e siècle, en particulier suite à la Révolution française, Napoléon, les écoles normales supérieures, l'école polytechnique. Il y a eu cette grande tradition de mettre la science, et en particulier les mathématiques, au cœur de la formation de la plupart des grands intellectuels français. Donc on est dans un pays où on hérite de Napoléon, tout simplement, tous les pays n'ont pas eu Napoléon. Yves nous écrit en disant « Je suis étonné, interpellé, inquiet, choqué, et même bien plus que l'enseignement des mathématiques ne soit plus qu'une option au lycée depuis la première. La terminale littéraire n'est même plus une petite heure aujourd'hui de mathématiques. C'est vraiment la situation aujourd'hui. » Je suis comme lui, je le regrette profondément. Évidemment, c'est pas moi qu'il faut poser la question. Moi, je suis très triste que... on puisse aujourd'hui avoir un baccalauréat avec presque pas de mathématiques. C'est bien dommage. On va essayer de changer ça. Et vous avez vraiment espoir que ça puisse changer ? Bien, on peut parler. L'Académie des sciences a une délégation chargée de l'enseignement scientifique. Cette délégation travaille dur pour essayer de communiquer avec les ministères, pour essayer de convaincre... les ministères que l'enseignement des sciences est important. Mais en même temps, il faut bien constater que les sciences explosent. Et aujourd'hui, si on veut avoir un bachelier qui a une formation intellectuelle à peu près complète, il faut bien qu'il apprenne l'informatique, les mathématiques, la biologie, la littérature, bien sûr. Donc, il y a tellement de choses à apprendre que chaque discipline doit, d'une manière ou d'une autre... accepter une certaine réduction du volume. Moi, je suis persuadé qu'on peut très bien faire de très bonnes mathématiques sans pour autant en faire beaucoup. Ce n'est pas forcément une question de quantité. Mais l'honnête homme du siècle des Lumières, lui, pouvait justement avoir beaucoup de disciplines dans sa palette. Mais il avait le temps peut-être aussi de les creuser toutes. Il avait le temps de les creuser toutes. Et puis, il y avait une masse d'informations qui était bien inférieure à celle qu'on a aujourd'hui, c'est évident. Pourquoi c'est important aujourd'hui de faire des mathématiques, alors finalement, Dienjis ? Je vous l'ai dit, moi, je dis pas que c'est important de faire des mathématiques, je peux vous dire pourquoi c'est important pour moi, c'est pas la même chose. C'est important pour moi parce que ça me permet de comprendre un peu mieux le monde qui m'entoure, qui est évidemment d'une grande complexité, qui manque totalement de clarté. Et voilà, pour moi, les mathématiques m'aident à y voir plus clair. Ça vous éclaire. Ça m'éclaire. Par exemple, on parle beaucoup de ces fake news. Je trouve que l'enseignement des probabilités, par exemple, permet aux citoyens d'avoir une meilleure compréhension de la prise de risque. On parle beaucoup de toutes sortes de risques qui nous entourent aujourd'hui. Il me semble qu'un bon enseignement des mathématiques permet d'avoir une vision claire et saine de ce qu'est un risque, par exemple. Alors, comme Michel nous écrit sur le site de l'émission, il nous dit « Depuis peu à la retraite, je souhaite m'initier à la mathématique, dit-il. J'ai tout oublié, mon acquis du bac S. Comment faire aujourd'hui ?» Oui. Bon, c'est encourageant, finalement. C'est encourageant. En fait, le fait qu'il dise « la mathématique », ça dit quoi, au fond ? Ça donne son âge. Puisque dans les années 60, 70, les mathématiques étaient au singulier. Pour amplifier le fait qu'il s'agit d'une science extrêmement unifiée. Alors qu'auparavant, on disait les mathématiques, parce qu'il y avait l'algèbre, la géométrie, les probabilités. Et la mathématique avait cette ambition de dire c'est une chose unique. Moi, j'adore cette idée d'unicité. Mais aujourd'hui, on ne dit plus trop la mathématique. Je crois que Cédric Villani dit encore la mathématique, mais c'est un peu pour faire un peu le chiquet, quoi. Et alors, comment on peut s'y remettre à la retraite, à la ou aux mathématiques ? Écoutez, moi, je trouve qu'une chose qui est assez extraordinaire aujourd'hui et qui n'existait probablement pas du temps de ce monsieur... Michel. C'est Internet, quand même. Il y a partout, une grande quantité de cours, de vidéos. C'est extraordinaire, ne serait-ce que la Khan Academy. Vous connaissez la Khan Academy, cette suite d'un grand nombre de petites clips vidéo d'un quart d'heure où on peut tout apprendre, depuis l'école primaire jusque les classes de mathématiques spéciales. C'est un Indien, je crois, qui est à l'origine. C'est un Américain d'origine indienne. Mais c'est extraordinaire. Et aujourd'hui, c'est traduit en français. Je donne ça comme exemple. C'est monstrueux. On peut faire tout ce qu'on veut là-dedans. On peut commencer à partir de l'école primaire si on a oublié cette table de multiplication. Ouais. Et on peut commencer à partir des classes de maths sup ou maths spé si on a oublié ce qu'est une intégrale, par exemple. Mmh. Quelle est la dernière chose mathématique à laquelle vous avez pensé là, en, peut-être en venant dans ce studio aujourd'hui, Étienne Gis? Écoutez, je peux dire bonjour à Bertrand, puisque Bertrand, un de mes anciens étudiants, m'a envoyé un message tout à l'heure, me posant une question, et je lui ai répondu juste avant l'émission, écoute Bertrand, je vais y réfléchir dès qu'on me laissera le temps d'y réfléchir. Voilà. Bon, et sur quelle question mathématique était-ce alors? Si vous voulez, je vous lis son message. Non, mais très vite. C'est une question qui concerne la dynamique des transformations du cercle. Très bien, mais on fera une autre émission sur le sujet, puisqu'on n'a plus le temps d'en parler maintenant. Merci beaucoup Étienne Gis, donc secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences depuis le 1er janvier, mais vous restez évidemment mathématicien et plus que jamais. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui au micro de la Tête au Carré.